dans le projet comme escalier du HLM minutie dans l'opération mode ouvrir du coudeau mon rond. Carotte tellement sur la scène paraît qu'il brise le set. Les bâtons vont tasser les chaises. Emmanuel glisse sur le beat comme un canot dans l'eau. Tweet bug, saumon doré, j'tends la poêle pis ça saute dans l'eau. Maquiller mes rats surtout pas le show. Si t'as frette à 2 degrés tu vas nous voler l'air chaud. Let's go! Bouge un peu pour réchauffer tes orteils. Si t'avais des potes cheap l'an passé cette année faut des orteils. Le super ballon caviar, un mangalimard, une paire de patins deux. Juste pour faire du buzz en partie noir. Carotte un show c'est plus que juste pour faire un check. Body surf sur le public. On est les plus cool des rappers, on est pire que les punks. Mais les métalleux nous adorent quand on marche comme un drop. Ça fait qu'on bouffe d'art, comme un bébé fait gougou gaga. Un saut d'eau et tard, garde ta langue grosse comme un saumon. En espérant que ton rêve d'hier soir sera assez bon. Pour le beat du lendemain qui fera bon bon bon. La version d'aujourd'hui c'est trop pas les originaux. Le ruisseau du printemps suivant sera pas le même ruisseau. Ça fait qu'attendre pas autre chose que ce que c'est. Ça fait qu'on bouffe d'art, comme un bébé fait gougou gaga. Un saut d'eau et tard, garde ta langue grosse comme un saumon. En espérant que ton rêve d'hier soir sera assez bon. Pour le beat du lendemain qui fera bon, pas bon. La version d'aujourd'hui, c'est trop pas les originaux. Le ruisseau du printemps suivant sera pas le même ruisseau. Ça fait qu'attends-toi pas à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Maintenant que t'as 20 ans, tu manges plus de pain blanc. T'es comme un instant, c'est rien. Quand Saint-Jacques, on vient chimpanzé. Bien tranché, dangereux, ne viens danser quand je rime. Simplement pas de danger, c'est le prédat qui t'envenime. Oh. Limonade à Saint-Saëns, hustling de pré-maternelle. Psychopathe à Saint-Étienne qui poste gâte à la kermesse. Poste rap à la mairesse, paye le facteur en caramel. Si t'es schtroumpf tard, watch out pour les bleus comme Pierre Gamel. Eman amène la canette dans le zoo, y'a des babouins qui nous check, nous autres avec. C'est Jimmy qui est aux manettes, un casque en styrofoam. Ma midi est aux toilettes, en mars à l'hippodrome. Man, c'est pas drôle, j'suis peinard avec un petit cochon. Pour barguiner la bourse, t'es mieux de pas juste manger tes croûtes. T'es mieux de bien mastiquer ta bouffe. Aspirer de la tour, puis regarder c'est quoi qu'on fait quand faut qu'on fasse crier ta poule. C'est pour les babouins, les enfants, les petits vieux, les ninjas, les chillers, pis les ancêtres, pas encore nés. Boubada. Ça fait qu'attendre pas autre chose que ce que c'est.